Yuma, chapitre 11. La saison des chaleurs lourdes et humides et des pluies torrentielles, le long hivernage, était passé avec ses orages. Et aussi la saison des vents du nord-est, durant laquelle les hauteurs sont fraîches. Et aussi la saison de la sécheresse, où les cimes se débarrassent de leurs manteaux de nuages. C'était le renouveau, la période la plus délicieuse de l'année. Le printemps magique des tropiques, où le pays se baigne tout à coup, en une vapeur irisée. Alors tous les lointains prennent des teintes de joyaux. Après les mois de sécheresse où tout s'était flétri, la nature renouvelle ses sèves et avive toutes ses couleurs. Les forêts se couvrent de fruits et de fleurs. Les lianes desséchées vivifient leurs vers lumineux et projette des millions de tendrons nouveaux. Et, par-dessus les hauteurs des grands bois, des cascades de fleurs bleues, blanches, roses et jaunes se déversent. Les palmiers et les angelins semblent grandir tout à coup, en secouant leurs palmes mortes. Une brume est suspendue au-dessus des vallées de canne à sucre mûre. Et les routes des montagnes verdissent presque jusqu'à leur milieu sous la formidable invasion des herbes et des arbustes nouveaux. Toutes ces surfaces de pierres ou de bois, qui ne sont pas protégées par une couche de peinture, se couvrent de mousse et de lichen. Des herbes surgissent entre les fentes du pavé de basalte et, simultanément, des plantes vigoureuses et de couleurs vives s'épanouissent de toutes les crevasses des murs et des toits, s'attaquant même à la solide maçonnerie des fortifications et obligeant l'homme à défendre ses travaux contre l'invasion du printemps. Une variété infinie, fougères, capillaires et vignes qui plongent leurs vrilles dans le roc le plus dur. La thée miraille et la mousse miraille, le pourpier et le goyave sauvage, le fleuri Noël, le tabac du diable et le lac errate, et même de petits arbres qu'il faut déraciner immédiatement pour sauvegarder les maisons, tels que le jeune fromager ou le cotonnier soie, s'élèvent du haut des murs et des toits, dressant leurs rameaux jusqu'aux pointes des pignons, et prenant racine dans les gouttières et les corniches. Le cône énorme de la montagne pelée, qui, pendant des semaines, balayé par les vents du nord, avait dessiné les cornes de son caractère sur le fond de lumière bleue, se voila de nouveau de nuages, et le ton fauve de ses pentes flétries se transforma en vert foncé. De doux grondements de tonnerre roulèrent dans les montagnes. Les averses d'une pluie tiède rafraîchirent la terre par intervalles. L'air embauma de parfums balsamiques et la couleur même du ciel s'approfondit. Pourtant le pays avait beau déployer tout son enchantement, les cœurs des colons demeuraient lourds. Pour la première fois, depuis bien des années, la récolte se faisait avec difficulté. Les moulins étaient silencieux, car les bras manquaient pour les alimenter. Pour la première fois depuis des siècles, l'esclave refusait d'obéir, et le maître craignait de le punir. La République de 1848 venait d'être proclamée, et la promesse de l'émancipation avait provoqué, dans les esprits des nègres, une fermentation d'idées fantastiques. Ils s'étaient mis à rêver des dons de plantation, de libre distribution de richesses, d'un repos perpétuel gagné sans effort, d'une vie paradisiaque pour tout le monde. Il savait pourtant ce qui résultait à l'ordinaire de la liberté accordée à certains d'entre eux pour des services exceptionnels. Ils étaient familiarisés avec la vie des classes libres. Mais ces exemples n'avaient guère de valeur pour eux. La liberté que leur donnait le béquet ne ressemblait en rien à cette espèce particulière de liberté accordée par la République. Malheureusement, de mauvais conseillers les encourageaient dans ces divagations. C'étaient des hommes de couleur qui entrevoyaient dans la transformation sociale imminente de plus belles occasions politiques. La situation avait tout à fait changé depuis le temps où esclaves et affranchis avaient combattu ensemble pour les planteurs, contre Rochambeau et le républicanisme, contre la bourgeoisie et les patriotes. La méfiance que les hommes de couleur avaient témoignée à la première révolution s'expliquait par la conquête de l'île par les Anglais. Elle avait contribué à maintenir l'ancien régime pendant encore un demi-siècle. Mais durant ce demi-siècle, la classe affranchie de couleur avait conquis tous les privilèges que les préjugés ou la prudence lui avaient refusés jusque-là. Les intérêts des gens de couleur cessèrent d'être confondus à ceux des Blancs. Ils avaient obtenu tout ce qu'il était possible d'obtenir par la coalition. Ils savaient maintenant que l'esclavage était irrémédiablement condamné, non par le simple fait d'une convention, mais par l'opinion du XIXe siècle. On leur avait promis le suffrage universel. Or, à la Martinique, il n'y avait guère que 2 000 Blancs, et il y avait 150 000 Nègres et Métis. Pourtant, rien dans l'aspect ni dans l'attitude de la population nègre n'aurait justifié aux yeux d'un étranger l'inquiétude des Blancs. Non seulement la race soumise s'était affinée physiquement, par ces influences extraordinaires du climat, du milieu et de la créolisation, mais les caractères les plus séduisants de sa nature sauvage primitive, sa sensibilité naïve, sa gaieté, sa bonté, sa promptitude à ressentir de la sympathie, sa faculté de prendre plaisir à des riens, tout cela avait été cultivé et intensifié par l'esclavage. Le parler même de la population, le curieux patois formé dans le moule d'une langue africaine oubliée, et liquéfié par la plénitude de voyelles longues, caressait l'oreille comme le roucoulement des pigeons. Aujourd'hui encore, l'étranger trouvera un charme indicible dans la douceur de cette humanité exotique, malgré tous les changements de caractère apportés par les difficultés beaucoup plus nombreuses de la liberté. Le créole seul connaît par expérience ce qu'il peut y avoir de plus sombre dans cette nature à demi barbare. Ses facultés soudaines de cruauté, ses exaltations aveugles de rage, ses furies de destruction. Avant que l'annonce officielle ne fût parvenue à la colonie, les nègres, par quelque système de communication inconnu et plus rapide que les vaisseaux du gouvernement, avaient déjà appris ce que l'on faisait pour eux. Ils se sentaient déjà libres. Une prompte solution de la question de l'esclavage était fort à désirer, car tout retard devenait dangereux. Il n'y avait pas encore eu, jusqu'ici, de manifestations hostiles. Pourtant, les propriétaires d'esclaves connaissaient l'histoire de ces révoltes soudaines qui révélaient une puissante organisation insoupçonnée et un art merveilleux de la dissimulation. Il sentait que l'air était chargé de nuages, et ils se rangèrent, en général, à une politique de prudence et de tolérance. Mais dans une classe habituée à commander, il se trouvera toujours des hommes dont la colère fait fi de la prudence, et dont la résolution affronte toutes les aventures. Ainsi, en 1848, parmi les planteurs, un seul osa affirmer ses droits. À la veille même de l'émancipation, il châtia de ses propres mains l'esclave qui refusait de travailler, et l'envoya à la prison de la ville attendre le verdict d'une loi qui allait être abolie d'un moment à l'autre. Son imprudence précipita l'orage. Les travailleurs commencèrent à quitter les plantations et à se masser en bandes armées sur les hauteurs qui dominent Saint-Pierre. La population de la ville se révolta, força les boutiques des couteliers, s'empara des armes, entoura la prison et demanda qu'on relâchât le prisonnier. « Si ou palage, ikewe, nous que fait toute négbitation des scènes !» criait-il. Cette terrible menace révéla pour la première fois l'entente secrète qui existait entre les esclaves du port et les nègres des plantations. Les officiers de la loi reculèrent, et ils relâchèrent le prisonnier. Mais la passion que la classe soumise contenait depuis si longtemps ne s'apaisa pas si vite. La foule continuait à parader dans les rues, en proférant des cris que l'on n'avait jamais entendus jusque-là. « Mort aux Blancs ! À bas les béquets !» La lâcheté du gouverneur militaire la rassurait contre l'éventualité de toute intervention armée. La nuit vint et l'émeute grondait toujours. Les Blancs étaient emprisonnés dans leur demeure, ou bien ils fuyaient et se réfugiaient sur les navires du port. Ceux qui habitaient sur les collines passèrent la nuit à veiller, et ils entendirent le cri de ralliement, le houclet des nègres qui passaient armés de coutelas, de piques, de bambous et de bouteilles remplies de sable. 24 heures plus tard, toute la population esclave de l'île était en révolte, et les villes étaient menacées d'une descente générale des travailleurs des plantations.